Une question de base, qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est là où ce qu'on pourrait dire la conscience individuelle de base apparaît et qu'il va y avoir possibilité de dire moi, de dire je. Donc, l'ego, c'est là où la conscience se contemple elle-même, au niveau d'une individualité naissante. C'est une structure de base. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Vous voyez ma réponse, moi, je le vois comme ça. Donc, l'ego, c'est limité, puis même très, très limité, mais c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ego, c'est comme une tomate ou un concombre, là. Ben oui, il n'y aurait pas de conscience individuelle sans ça. C'est comme une lentille qui divise la lumière. C'est bien, bien intelligent de la conscience universelle, mais c'est pas égoïsé. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez une loupe. La mettez sous le soleil, là, vous allez pouvoir créer un petit point. Un petit point qui va pouvoir faire surchauffer une petite surface de bien plus grande façon que juste le soleil comme il est.